chaud. Dans le game, moi j'suis trop énervé, j'ai les crocs. Hardcore mais pas psycho, racaille mais pas psycho. Flow brasé comme Zico, y'en a qui représentent la souffrance. Moi j'suis capable comme Zizou. T'es fou, j'me démarque, c'est GP, pas des max. Qu'est-ce que tu fous, mets tes max, ça fait fils quand on démarre. J'suis si fou que par le rap j'suis piqué. J'suis qui pour faire du rap de friqué ou faire du rap de shit fort. Listen to me, why was I am not the big boss. C'est GP sur ma mère, je craque et j'te fais mordre les big dogs. Tu vois, je m'amuse à chaque couplet, j'augmente les niveaux. Prends ça comme un cristal, comme une gauche droite au rivo. C'est le phénomène du ghetto, d'Herbel jusqu'à Rio. Toujours nique la variette, on pleure pas comme Lio. Ça vient de Marseille, c'est le GP. On n'est pas là pour fumer. Les jaloux, les laissent critiquer. On avance sans se retourner. Entrez pas, lancez les coups bas. C'est d'où la roue, on t'a fait tourner. Dans la rue on a trop traîné. Le but c'est vivre sans se faire fumer. Sans se faire fumer. Sans se faire fumer. Toujours les mêmes qui se la ramènent, wesh l'ami. Si tu cherches les blèmes, sache que nous on traîne. Nous c'est la bécave toute la semaine. De nos HLM, de Marseille jusqu'au Haut-de-Seine, c'est la vie qu'on mène. Fais tourner la tête, que je sois un peu taille. Pour la money money, c'est toujours taille de nine. On n'a pas fini de charbonner, la maille, appelle la maille. Oublie du monnaie abonné, mais on compte bien se faire la malle. Car nous, c'est la relève, le travail on fait nous-mêmes. On n'attend pas que la suite nous lève, on sait où l'illicite nous mène. Et fais parler ta ruse car la crise est imminente. En plus l'état abuse nous verbalise pour une plan. Mais nous on va de l'avant la route, on a fait tourner. Illuminati nous manipule, veut nous détourner. Mais de nos chutes on apprend à ne pas reculer. Tu veux me juger, ramenez-moi 6 mois cette fois, c'est ma tournée. Ça vient de Marseille, c'est le GP. On n'est pas là pour fumer. Les jaloux, les laissent critiquer. On avance sans se retourner. Entrez pas, lancez les coups bas. Chez nous la roue on t'a fait tourner. Dans la rue on a trop traîné. Le but c'est vite sans se faire fumer. Sans se faire fumer. Sans se faire fumer.